Moi, je me rappelle quand j'étais petit, hein. On me disait, l'envie, c'est pas bien, ça rapporte que des mauvaises choses, tu feras rien. Un jour, on m'a conseillé de d'écrire tout ce que j'avais envie sur une feuille et de laisser reposer ça, quoi. Et de le reprendre, voir 10 années plus tard, pour voir et cocher ce qui était réalisé, quoi. Pas grand-chose, putain de merde, hein. Vraiment. Fait chier. Envie de vivre mieux, envie de caisse plus. Envie de voir des femmes belles, passer milieu plein de putes. Envie de boire comme un trou, envie de croire qu'on s'en fout que les autres nous matent. Mais l'image fait tout, envie de voler comme Superman. Envie de Ken Lois, envie de lui faire super mal. Envie de fesses pour bouger, envie d'aise, envie de rêve, envie de rêve la quatre feuilles. Envie de fesses, c'est tant que zizi fasse tant. Envie de prier pour ce monde, envie de crier quand je tombe. Envie de chier sur tant de monde, envie de gifler tant de blondes, tant de brunes, tant de rousses. Envie de pleurer sur mon sort, envie de sortir quand je rentre, envie de rentrer quand je sors. Merde, je sais plus quoi faire, mais je sais que j'ai trop de trucs à faire. Envie de sourire, envie de courir, envie de mourir quand elle me touche, envie de jouir. Envie de croire que mon groupe et moi clashions et montrer ce que tant d'années nous cachions. Plus envie de taffer la compta me tue, envie de musique, manpower ne contacte plus. Allez, allez, vas-y s'te plaît, vas-y crève, envie que les bofs me lâchent le cip. Merde, j'ai envie de trêve.